Chapitre 14. La sentinelle. Qui est là? Puck. Paysan, pauvre Jean de France. Shakespeare, Henri VI. Durant les premières heures de marche, et jusqu'à ce que la troupe eût pénétré bien avant dans la forêt, chacun était trop occupé du péril auquel il venait d'échapper pour hasarder un seul mot, même à voix basse. Le chasseur reprit son poste à l'avant-garde, mais lorsqu'il eut mis une assez grande distance entre lui et ses ennemis, son allure devint plus circonspecte que la veille en raison de l'ignorance des lieux où il s'engageait. Plus d'une fois, il s'arrêta pour consulter les Mohicans, montrant du doigt la lune et examinant l'écorce des arbres avec un soin extrême. Pendant ces courtes haltes, Hayward et les deux sœurs, à qui le danger avait donné une plus grande finesse d'ouïe, prêtaient l'oreille au moindre son qui aurait pu annoncer l'approche des persécuteurs. Un sommeil éternel semblait peser sur la nature, et dans la forêt nul bruit ne se faisait entendre, si ce n'est le murmure lointain d'une eau courante. Tout paraissait dormir, les oiseaux, les bêtes fauves et les hommes, si toutefois ils s'en trouvaient dans ce vaste désert. Mais tout faible qu'était le bruit de la rivière, il tira les guides d'un grand embarras et mit fin à leurs incertitudes. Ils se dirigèrent de ce côté d'un pas silencieux et diligent. Quand on fut arrivé sur ses bords, Œil de Faucon commanda une nouvelle halte. Il ôta ses mocassins et invita le major et David Lagame à en faire autant. Ils entrèrent tous dans l'eau en conduisant les chevaux par la bride et pendant près d'une heure marchèrent dans le lit de la petite rivière afin de ne pas laisser de traces dangereuses de leur passage. La lune était cachée derrière un immense rideau de nuages noirs amoncelés à l'horizon du côté de l'Occident lorsqu'ils se détournèrent pour continuer leur route à travers la plaine sablonneuse et boisée. Là, le chasseur sembla se trouver de nouveau en pays de connaissance, car il s'avança d'un pas rapide et assuré, sans plus d'hésitation ni d'embarras. Bientôt le sentier devint plus inégal. Les montagnes se rapprochaient à droite et à gauche, et nos voyageurs s'aperçurent qu'ils allaient traverser une gorge. Œil de Faucon suspendit de nouveau la marche, et ayant attendu que les autres l'eussent rejoint, il dit d'un ton précautionneux que le silence et l'obscurité du site rendaient encore plus solennel. « C'est un jeu de découvrir au désert les sentes, fontaines ou ruisseaux. Mais qui pourrait dire si une armée puissante n'est pas campée là-bas, parmi ces arbres muets et ces montagnes stériles ?»« Serions-nous déjà, interrogea le major avec empressement, dans le voisinage du fort William Henry ?»« Il y a encore d'ici là un fameux ruban de queue, et qui n'est pas commode. » Quand et de quel côté nous y arriverons, c'est là le diable, tenez, ajouta-t-il en lui indiquant sous le couvert une petite pièce d'eau dont la calme surface réfléchissait la clarté des étoiles. Voilà la mare sanglante. Nous foulons un terrain que j'ai souvent parcouru et qui m'a vu combattre l'ennemi depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Ah, les eaux funèbres de cet étang ont servi de sépulture à plus d'un brave tombé sur le champ de bataille. Je l'avais entendu nommer. « Mais c'est pour la première fois que j'en touche les bords. Dans une même journée, nous livrâmes 3 batailles aux Hollandais et aux Français réunis, » poursuivit le chasseur, se laissant aller au fil de ses souvenirs. L'ennemi nous attaqua rudement pendant que nous allions dresser une embuscade à son avant-garde. Il nous pourchassa comme des daims à travers le défilé et nous dispersa sur les bords de l'Horican. Ralliés derrière une palissade d'arbres abattus, nous lui tîmes tête sous les ordres de Sir William, qui fut fait chevalier pour sa belle conduite. Et nous lui rendîmes la monnaie de la déroute du matin. Des centaines de Français virent ce jour-là le soleil pour la dernière fois, et leur chef lui-même, Diesco, tomba entre nos mains tellement criblé de balles qu'il retourna dans son pays hors d'état désormais de faire la guerre. « Ce fut une journée glorieuse !» s'écria Hayward dans un accès d'enthousiasme juvénile. Le bruit s'en répandit bientôt jusqu'à notre armée du Midi. Oui, mais ce n'est pas tout. Par l'ordre express de Sir William, le major Effingham me chargea de tourner le flanc des Français, de traverser la plaine et de porter la nouvelle de leur désastre au fort placé sur l'Hudson. Dans ce milieu même où vous voyez une hauteur couverte d'arbres, je rencontrai un détachement qui venait à notre secours, et je le conduisis à l'ennemi au moment où il prenait son repas, bien loin de se douter que l'œuvre de sang ne fût pas encore terminée pour ce jour-là. « Et vous les avez surpris ?»« Sans doute, si la mort est une surprise pour des gens qui ne songent qu'à satisfaire leur appétit. » Nous leur donnâmes à peine le temps de souffler, car ils nous avaient rossés de belle façon dans le combat du matin, et il y en avait peu des nôtres qui n'eussent à regretter la perte d'un ami ou d'un parent. L'affaire finie, on jeta les morts dans cette mare, et même les mourants, à ce qu'on dit, et j'en vis les eaux teintes de sang telles que jamais eau ne sortit des entrailles de la terre. Un soldat ne pouvait désirer une tombe plus convenable et plus paisible. Vous avez donc beaucoup servi sur cette frontière ? « Moi ? » dit Œil de Faucon en se redressant de toute sa hauteur avec un air de fierté martiale. « Il n'y a guère d'écho parmi ces montagnes qui n'aient répété les détonations de ma carabine, et il n'y a pas un mille carré entre l'Oricon et l'Hudson où mon père Sedin n'ait abattu quelque être vivant, soit un ennemi, soit un animal. Quant à cette tombe que vous dites si tranquille, c'est une autre affaire. À en croire certains militaires, l'homme, pour reposer en paix, ne doit pas être enterré tant qu'il lui reste un peu de souffle. Or, il est certain que, dans la confusion du moment, les chirurgiens n'eurent guère le loisir de distinguer les morts de ceux qui ne l'étaient pas. Ne voyez-vous pas remuer quelque chose au bord de la mare ? Il n'est pas probable que d'autres que nous passent la nuit à la Belle Étoile dans un endroit si désert. Des êtres de cette espèce se soucient bien de maisons ou d'abris. La rosée de la nuit ne peut pas mouiller un corps qui reste toute la journée dans l'eau. » Et sur ce beau raisonnement, le chasseur serra l'épaule d'Hayward avec une force convulsive qui fit sentir douloureusement au jeune officier qu'une terreur superstitieuse oppressait le cœur de cet homme d'ordinaire si intrépide. « De par le ciel !» s'écria Hayward. « Voilà une forme humaine. Approche ! Aux armes, mes amis ! Car nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Qui vive ? Cria en français une voix forte qui semblait cartel de l'enfer sorti de ce lieu de désolation. Qui vive ? Que dit-il ? Demanda Œil de Faucon. Il ne parle ni indien ni anglais. Qui vive ? Répéta la même voix. En même temps, on entendit le bruit d'un fusil qu'on armait. Celui qui le portait prit une attitude menaçante. Le major, sortant du couvert, fit quelques pas en avant et répondit dans la même langue. « France, d'où venez-vous ? Où allez-vous de si bonne heure ? Je viens de la découverte et je vais me coucher. Êtes-vous officier du roi ? Sans doute, mon camarade. Me prends-tu pour un provincial ? Je suis capitaine de chasseurs. » Hayward s'était aperçu que le soldat appartenait à un régiment de ligne. « J'ai ici avec moi les filles du commandant de la fortification. »« Ah, tu as dû en entendre parler. Je les ai faites prisonnières près de l'autre fort et je les conduis au général. »« Ma foi, mesdames, j'en suis fâché pour vous, » dit le jeune grenadier en portant la main à son bonnet, non sans une certaine grâce. « Mais, fortune de guerre, vous trouverez notre général un brave homme et bien poli avec les dames. »« C'est le caractère des gens de guerre. » dit Cora avec beaucoup de présence d'esprit. « Adieu, mon ami, je vous souhaiterai un devoir plus agréable à remplir. » Le soldat la remercia de son honnêteté par un humble salut, et Hayward ayant ajouté « Bonne nuit, mon camarade !» ils s'éloignèrent tranquillement. Le soldat continua sa faction le long de la mare, ignorant à quel ennemi audacieux il avait eu affaire, et fredonnant un air de son pays, que lui avait sans doute rappelé la vue des dames et peut-être aussi le souvenir de sa lointaine et belle France. Vive le vin, vive l'amour. Il est fort heureux que vous ayez compris le jeune drôle, dit le chasseur lorsqu'il fut à quelque distance et en remettant son arme sous le bras gauche. J'ai deviné bien vite qu'il était un de ces diables à quatre de français et bien lui en a pris de se montrer poli, sans quoi ses os auraient pu aller rejoindre ceux de ses compatriotes. Il fut interrompu par un long et sourd gémissement qui semblait partir de la pièce d'eau, comme si les armes des trépassés fussent revenus errer autour de leur tombe liquide. C'était un corps de chair, il n'y a pas de doute, continua le chasseur. Jamais un esprit n'aurait pu manier ses armes avec tant de fermeté. Oui, c'était un corps de chair, mais que le pauvre gars soit encore de ce monde, voilà qui n'est pas si sûr, répondit Hayward, qui venait de constater la disparition de Chingachgook. Un autre gémissement plus faible que le premier s'éleva encore, puis on entendit comme quelque chose de lourd qui tombait dans l'eau, et tout rentra dans le calme. Pendant qu'ils étaient en proie à une incertitude que chaque seconde rendait plus pénible, ils virent se glisser hors du taillis le vieux Mohican, tenant d'une main la chevelure sanglante du jeune et malheureux Français, qu'il attacha à sa ceinture, de l'autre son couteau dégouttant de sang. Il reprit sa place accoutumée sur le flanc de la caravane, avec l'air satisfait d'un homme qui croit avoir fait une action méritoire. Œil de Faucon laissa tomber à terre la crosse de son fusil et, s'appuyant sur le canon, se plongea dans ses réflexions. « De la part d'un blanc, murmura-t-il d'une voix attristée, ce serait cruel et inhumain, mais c'est dans la nature et le train d'un peau rouge. Cela devait être, et il n'y a rien à dire. J'aurais préféré, je l'avoue, que le malheur fût arrivé à un maudit Mingo plutôt qu'à cet enfant du vieux continent, si plein de gaieté et de jeunesse. « N'allez pas plus loin, » dit Hayward, qui craignait que ses compagnes ne vinssent à soupçonner la cause de cette halte et qui cherchait, par des réflexions semblables à celles du chasseur, à surmonter le sentiment d'horreur qu'il éprouvait. « Le mal est fait, et quoiqu'il eût mieux valu ne pas le faire, on ne peut y remédier. Vous voyez que nous sommes trop rapprochés des sentinelles de l'ennemi. Quelle route devons-nous suivre ?»« Comme vous dites, » reprit œil de Faucon en revenant à lui. « La chose est faite, il n'y faut plus penser. Diable, les Français n'ont pas lambiné pour entourer le fort, et leur passer sous le nez sera toute une affaire. » « Et pour cela, » ajouta Hayward en levant les yeux vers le rideau de vapeur qui cachait la lune près de se coucher, « il nous reste bien peu de temps. » « Bien peu, en effet. La chose pourtant est faisable par deux moyens, avec le secours de la Providence, sans laquelle rien n'est possible. » « Parlez, l'heure presse !» Le premier consisterait à faire descendre ces dames et à lâcher leurs chevaux dans la plaine. Les Mohicans partiraient en avant, et nous, en poussant droit aux sentinelles, nous entrerions dans le fort sur leurs cadavres. « Impossible, impossible ! C'est bon pour un soldat, mais employer la force avec un convoi comme le nôtre ?»« Ce serait en effet une route à meurtrir au sang d'aussi jolis pieds, » répondit le chasseur à qui cet expédient ne répugnait pas moins. Mais j'ai cru qu'il était de ma dignité d'homme de parler ainsi. Notre unique ressource est donc de revenir en arrière et de nous tenir hors de la ligne des avant-postes. Puis, tournant à l'ouest, nous entrerons dans les montagnes, où je vous cacherai de manière à dépister pendant des mois entiers tous les limiers du diable à la solde de mon calme. « Qu'il en soit fait de la sorte, » dit l'impatient jeune homme, « et sans perdre un instant. » Il était inutile de prolonger l'entretien. « Suivez-moi. » dit œil de Faucon. Et sans plus de paroles, il remonta la route qu'il venait de parcourir et qui les avait conduits dans cette impasse dangereuse. Leur marche, comme leur dernier colloque, s'opéra en silence, car à chaque pas ils pouvaient tomber au milieu d'une patrouille ennemie ou d'une embuscade. Au moment où ils repassèrent auprès de l'étang, les deux interlocuteurs, poussés par un mouvement machinal, jetèrent à la dérobée un coup d'œil sur son nom de funèbre et solitaire. Ils y cherchèrent en vain le jeune soldat qu'ils avaient vu monter la garde. Une oscillation lente et régulière montrait que l'eau n'avait pas encore repris son immobilité et attestait par un effrayant témoignage l'acte sanglant dont elle avait été le théâtre. La mare sanglante et ses lugubres souvenirs disparurent dans l'ombre et se confondirent avec la masse des objets qu'on ne distinguait plus et que les voyageurs laissaient bien vite derrière eux. Bientôt, œil de Faucon, changeant de direction, s'avança vers les montagnes qui forment la limite occidentale de l'étroite plaine et les conduisit d'un pas rapide jusque sous l'ombre épaisse que projetaient leurs âpres sommets. Cette partie du trajet devint pénible et lente sur un sol hérissé de rocs et entrecoupé de ravins. Partout, ils étaient entourés de hauteurs noires et dénudées qui les dédommageait un peu de leur fatigue par le sentiment de sécurité qu'elle leur inspirait. Enfin, ils commencèrent à gravir lentement une pente escarpée et raboteuse à la faveur d'un sentier qui serpentait en longs zigzags parmi des arbres et des rochers, contournant les uns et s'appuyant aux autres, ouvrage merveilleux d'hommes exercés de longues mains aux arts du désert. À mesure qu'ils s'élevaient au-dessus du niveau des vallées, l'épaisse obscurité qui d'ordinaire précède l'approche du jour commença à se dissiper et tous les objets apparurent avec les couleurs réelles et palpables qu'ils tenaient de la nature. Lorsque, sortant des bois rabougris suspendus au flanc stérile de la montagne, ils atteignirent enfin la plateforme de roches moussues qui en formait le sommet, leurs yeux saluèrent les premières lueurs de l'aurore qui s'élevait en rougissant au-dessus des pins d'une montagne située de l'autre côté de la vallée de l'Horican. Le chasseur fit alors descendre les dames de cheval, et ayant débridé et décellé les pauvres bêtes rendues de fatigue, il les laissa paître en liberté parmi les arbrisseaux et l'herbe chétive. « Allez, leur dit-il, allez chercher votre nourriture là où la nature vous la donne, et prenez garde de servir vous-même à nourrir les loups affamés de ces parages. »« Croyez-vous, demanda Hayward, qu'il sera possible de se passer de chevaux ? Jugez-en vous-même, dit Œil de Faucon en s'avançant vers la crête orientale de la montagne, où il fit signe à ses compagnons de le suivre. S'il était aussi aisé de lire dans le cœur de l'homme qu'il l'est de découvrir, de l'endroit où nous sommes, tout le camp de Montcalm, les hypocrites deviendraient rares, et la ruse d'un Mingo serait une duperie comparée à l'honnêteté d'un Delaware. Quand les voyageurs furent arrivés au bord de l'escarpement, ils virent d'un coup d'œil que le chasseur disait vrai, et admirèrent la sagacité avec laquelle il les avait conduits jusqu'à ce point dominant. La montagne sur laquelle ils se trouvaient dessine un cône d'environ 1000 pieds de hauteur. Elle est placée un peu en avant de la chaîne qui longe la rive occidentale du lac et qui, après s'être réunie aux montagnes de la rive opposée, se prolonge jusque vers le Canada en masses irrégulières et confuses de rochers parsemés çà et là d'arbres verts. Sous les pieds des voyageurs, la rive méridionale de l'Horican traçait un vaste demi-cercle d'une chaîne à l'autre, formant une grève qui aboutissait à un plateau inégal et élevé. Vers le nord s'étalait en un miroir limpide, et qui, vu de cette hauteur, semblait à peine un boyau, le Saint-Lac, coupé de baies multipliées, dentelées de pittoresques promontoires et parsemées d'îles sans nombre. À quelques lieues de distance, le lit des eaux se perdait dans les montagnes, ou se confondait avec des nuages de vapeur qui roulaient lentement sur sa surface, chassés par la brise légère du matin. Mais, entre les crêtes des sommets, une étroite ouverture indiquait l'endroit par lequel le lac se frayait un passage vers le nord pour élargir de nouveau sa nappe liquide avant d'en verser le tribut dans les ondes lointaines du lac Champlain. Au sud était le défilé, ou plutôt la plaine inégale et boisée dont nous avons eu tant de fois occasion de parler. De ce côté, et pendant plusieurs lieues, les montagnes paraissaient ne céder le terrain qu'à regret, mais on les voyait diverger et enfin se fondre dans le pays plat et sablonneux où nous avons suivi deux fois nos voyageurs. Le long des deux chaînes qui bordaient les rives du lac et la vallée, des vapeurs légères montaient en spirale des bois inhabités, où rasaient les pentes avant de se mêler au brouillard de la plaine. Un nuage blanc flottait seul au-dessus de la vallée et marquait l'emplacement de la mare sanglante. À la base même du lac, plus à l'occident qu'à l'est, s'étendaient au loin les remparts de terre et les constructions basses du fort William Henry. Deux de ces bastions faisaient saillie dans l'eau qui baignait leurs pieds, tandis que leurs flancs étaient défendus par de larges fossés et des marais. Le sol avait été dégarni de bois jusqu'à une certaine distance. Partout ailleurs, il portait la verte livrée de la saison, excepté les endroits où la vue s'arrêtait sur la claire surface des eaux ou sur les rochers qui haussaient leurs pointes noirâtres au-dessus des lignes onduleuses de la chaîne de montagne. En face du fort, plusieurs sentinelles surveillaient les mouvements d'un nombreux ennemi et, dans l'intérieur des murailles, on apercevait des groupes de soldats fatigués d'une nuit de veille. Vers le sud-est, mais en contact immédiat avec le fort, était un camp retranché, placé sur une éminence rocheuse, où il eût été bien plus sage de construire le fort même. Là étaient cantonnées les troupes auxiliaires qui avaient récemment quitté les bords de l'Hudson en même temps que nos voyageurs. Du milieu des bois, un peu plus vers le sud, on voyait çà et là s'élever une fumée noire, facile à distinguer des exhalaisons plus pures des sources, et qui, suivant la remarque d'œil de Faucon, indiquait que l'ennemi était en force de ce côté. Mais ce qui attira surtout les regards du jeune officier, ce fut le spectacle qui s'offrit à lui à l'occident du lac, tout près de son extrémité méridionale. Sur une langue de terre, paraissant trop étroite pour contenir une telle armée, mais qui ne s'en étendait pas moins dans une largeur de plusieurs centaines de pas, depuis les rives de l'Oricane jusqu'au pied de la montagne, on avait installé les tentes blanches et le matériel de guerre d'un camp de 10 000 hommes. Des batteries avaient été établies en avant, et tandis que nos spectateurs, du haut du point culminant où ils étaient placés, contemplaient avec des sentiments si divers le panorama qui se déroulait à leurs pieds, les détonations de l'artillerie éclatèrent au sein de la vallée et d'écho en écho se répétèrent jusqu'aux montagnes situées à l'orient. « Ils commencent à recevoir là-bas la lumière du matin, » dit le chasseur sur le ton d'un observateur indifférent. « Et ceux qui ne dorment pas veulent éveiller les dormeurs au bruit du canon. Nous sommes arrivés quelques heures trop tard. Montcalm a déjà rempli les taillis de ces maudits Iroquois. La place est investie, en effet, » répondit le major. « Mais n'avons-nous aucun moyen d'y entrer? Mieux vaudrait être pris dans les avant-postes français que de tomber de nouveau entre les mains des rôdeurs. « Voyez !» s'écria l'autre en attirant sans le savoir l'attention de Cora sur le logis de son père. « Voyez comme ce boulet vient de trouer la maison du commandant. Ah, elle a beau être solide, les Français vont la détruire en moins de temps qu'elle n'a été bâtie. »« Hayward !» dit Cora. « La vue d'un danger que je ne partage pas m'est insupportable. Allons trouver Montcalm et demandons-lui passage. Il ne refusera pas à des enfants la permission de rejoindre leur père. » « Il vous serait difficile d'arriver jusqu'à la tente du général avec votre chevelure sur la tête, si j'avais seulement à ma disposition l'un de ces milliers de bateaux qui sont à vide le long du rivage, la chose serait possible. Ah, le feu va bientôt cesser, car je vois venir un brouillard qui changera le jour en nuit, ce qui rendra la flèche d'un Indien plus dangereuse qu'un boulet de canon. Eh bien, si le cœur vous en dit, suivez-moi, nous allons pousser en avant. Je grille de descendre au camp, ne fût-ce que pour balayer quelques chiens de Mingos que je vois rôder là-bas près de ce bouquet de bouleau. « Nous sommes prêtes, » dit Cora d'une voix ferme. « Il n'est pas de danger que nous n'affrontions pour revoir notre père. » Le chasseur se tourna vers elle et répondit avec un sourire de franche et cordiale approbation. « Ah, si j'avais là un millier de gaillards ayant des membres robustes, de bons yeux, et craignant aussi peu la mort que vous le faites, » avant la fin de la semaine, j'aurais renvoyé dans leur trou tous ces bavards de Français, hurlant comme des chiens à la tâche ou des loups affamés. Mais il est temps d'agir, ajouta-t-il en s'adressant au reste de la troupe. Le brouillard s'épaissit avec rapidité, et nous n'avons tout juste que le temps de le rattraper en plaine, où il masquera notre marche. En cas de malheur pour moi, souvenez-vous d'avoir toujours le vent sur la joue gauche, ou plutôt, suivez les Mohicans. De nuit ou de jour, ils sauront reconnaître leur chemin à la piste. » Il se mit alors à descendre le versant d'un pas assuré. Hayward aida aux deux sœurs à marcher, et au bout de quelques minutes, ils se trouvèrent au bas de la montagne qu'ils avaient eu tant de peine à gravir, et presque en face d'une poterne percée dans la courtine occidentale du fort. Dans leur empressement, et favorisés par la nature du terrain, ils avaient devancé le brouillard qui s'étendait sur le lac, et force fut de s'arrêter jusqu'à ce que le camp de l'ennemi disparût sous un manteau de vapeur. Les Mohicans profitèrent de ce délai pour faire une sortie hors du bois et aller reconnaître les environs. Leur ami les suivit à distance, afin de savoir plus vite ce qu'ils auraient vu et d'y ajouter ses remarques personnelles. Il revint presque aussitôt, rouge de dépit et exhalant son désappointement à demi-voix et en termes peu mesurés. « Oh, diable, ce finaud de Français » dit-il. « N'a-t-il pas posté en travers du passage un piquet de blancs et de peaux rouges? Grâce au brouillard, nous pouvons tomber en plein sur eux tout aussi bien que passer à côté. Il suffit d'un détour pour les éviter, dit Hayward, sauf à revenir dans le bon chemin. Quand au milieu d'un brouillard on s'écarte une fois de la ligne qu'on doit suivre, qui peut savoir comment on la retrouvera? Les brumes de l'Oricon ne ressemblent pas à la fumée d'une pipe ou d'un mousqueton. Comme il parlait encore, un sifflement sourd s'entendit et un boulet passa dans le taillis, frappa le tronc d'un arbre et rebondit à terre, la résistance qu'il avait déjà rencontrée lui ayant ôté une grande partie de sa force. Les deux Indiens suivirent de près l'arrivée de ce terrible message et Uncas commença à discourir en Delaware avec beaucoup de chaleur et d'action. « Cela est possible, mon garçon, » marmotta le chasseur quand il eut fini. « Car une fièvre désespérée ne se traite pas comme un mal de dents. Marchons, le brouillard s'épaissit de plus en plus. »« Un moment, » dit Hayward. « Expliquez-nous vos intentions. »« Ce sera tout au fait, » répondit Œil de Faucon. « Et il n'y a pas grand espoir, mais un peu vaut mieux que rien. Vous voyez bien ce boulet, » ajouta-t-il en poussant du pied le projectile désormais inoffensif. Il est venu du fort jusqu'ici en labourant la terre. En l'absence de tout autre indice, nous allons suivre le sillon qu'il a tracé. Ainsi, assez causé et en avant, où le brouillard venant à se dissiper nous laisserait au beau milieu de la route, où nous servirions de cible au feu des deux armées. Reconnaissant que dans un moment si critique il fallait des actions et non des paroles, le major se plaça entre les deux sœurs afin de hâter leur marche, les yeux sur le guide afin de ne pas le perdre de vue. Celui-ci n'avait point exagéré l'intensité du brouillard, car avant d'avoir fait 20 pas, il devint difficile aux différents individus qui composaient la troupe de se distinguer l'un de l'autre. Ils avaient fait un petit circuit à gauche et commençaient à incliner vers la droite, et déjà, selon le calcul d'Hayward, ils avaient parcouru la moitié de la distance qui les séparait du fort lorsqu'une voix leur cria « Qui va là ?»« Ne vous arrêtez pas !» dit tout bas Œil de Faucon en tirant de nouveau sur la gauche. Hayward répéta la vie aux dames pendant qu'éclatait la même interrogation menaçante. « C'est moi !» cria Duncan en entraînant rapidement les deux sœurs. « C'est moi !»« Qui ça, moi, animal ?»« Un ami de la France !»« Tu m'as plutôt l'air d'un ennemi. Arrête ou par Dieu, je te ferai ami du diable !»« Non ? Feu, camarade ! Feu !» L'ordre fut exécuté aussitôt, et une vingtaine de coups de fusil partirent dans le brouillard. Heureusement, on avait tiré au hasard, et les balles prirent une direction un peu différente de celle des fugitifs. Cependant, elles passèrent assez près pour qu'aux oreilles novices de David et des deux sœurs, elles parurent se siffler à quelques pouces de distance. De plusieurs côtés, on répéta le « qui vive !» et l'on entendit distinctement l'ordre non seulement de renouveler le feu, mais de faire une battue. Le major expliqua en quelques mots au chasseur ce que venaient de dire les Français, et ce dernier prit son parti sur le champ. « Faisons feu à notre tour, » dit-il. « Ils croiront que c'est une sortie des assiégés et se retireront ou attendront des renforts. » Le plan était bien conçu, mais l'exécution ne réussit pas. À peine eurent-ils déchargé leurs armes que toute la plaine parut se couvrir de combattants. Ce fut un long roulement de coups de fusil qui s'étendit depuis les rives du lac jusqu'aux confins de la forêt. « Nous allons attirer l'armée entière sur nous, » fit observer Hayward. « Et ce sera une bataille générale. En avant, mon ami, dans votre intérêt comme dans le nôtre. » Œil de Faucon ne demandait pas mieux, mais dans la confusion du moment, il avait changé de position et perdu sa route. En vain tournait-il au vent l'une et l'autre joue, il ne soufflait pas plus d'un côté que de l'autre. Dans ce mortel embarras, Uncas retrouva le sillon que le passage du boulet avait tracé sur 3 petites fourmilières. « Laissez-moi en voir la direction, » dit Œil de Faucon en se baissant pour l'examiner. Puis il reprit sa marche en avant. Les cris, les jurements, les voix qui s'appelaient et les coups de feu se succédaient rapidement et de toutes parts. Soudain, un vif éclat de lumière déchira le brouillard qui se déroula en tourbillons épais et la détonation du canon retentit dans la plaine, répétée par les échos mugissants de la montagne. « C'est du fort que l'on tire !» s'écria le chasseur en revenant sur ses pas. « Et nous, comme des imbéciles, nous allions nous jeter dans la forêt sous le couteau des Maquas !»« Aussitôt qu'ils se furent aperçus de leur méprise, ils se mirent à la réparer avec toute la promptitude possible. Duncan céda volontiers la protection de Cora au bras d'Uncas, que la jeune fille accepta sans difficulté. Une foule irritée cherchait à les atteindre, et à chaque instant ils étaient menacés d'être pris ou tués. « Point de quartier aux coquins !» s'écriait un des plus acharnés qui semblait diriger la poursuite. Mais une voix forte se fit entendre du haut d'un bastion, commandant d'un ton d'autorité. « Tenez bon, brave du 60e ! Attendez qu'on y voie un peu clair, et alors tirez bas et balayez le glacis !»« Mon père ! Mon père !» s'écria une voix perçante, une voix de femme au milieu du brouillard. « C'est moi, Alice ! Oh, épargnez-nous, sauvez vos filles !»« Arrêtez !» reprit la première voix avec un accent terrible de douleur paternelle. « C'est elle ! Dieu m'a rendu mes enfants ! Ouvrez la poterne et marchons à l'ennemi ! Mais ne brûlez point une cartouche, vous tueriez mes enfants ! Chassons ces chiens de Français à la baïonnette !» Duncan entendit crier les gonds rouillés de la poterne, et s'élançant du côté d'où ce bruit était parti, il rencontra une longue file de soldats en habits rouges qui venaient sur le glacis. Il reconnut son bataillon du Royal Américain et, se mettant à la tête de ses braves, il eut bientôt balayé de devant le fort jusqu'aux moindres traces de ceux qui l'avaient poursuivi. Pendant quelques instants, Cora et Alice, tremblantes, ne savaient que penser de cet abandon inattendu. Mais avant qu'elles eussent eu le temps d'échanger une parole, un officier d'une taille presque gigantesque, aux cheveux blanchis par la guerre et les années, mais dont l'âge avait adouci l'air de fierté martiale, sortit brusquement du brouillard et les pressa sur son cœur. De grosses larmes sillonnaient ses joues creuses et ridées, et il s'écria avec un fort accent écossais « Je te rends grâce, ô Seigneur ! Vienne maintenant le danger, ton serviteur est prêt !»